ma vie, je roule pas en Duster. Je laisse ça au képi aux inspecteurs. Chez nous, on vise le million. Ouais, c'est Baidu, mon nouveau secteur. On peut te faire à la guerre, on peut te faire à l'amour. Arabian gangster, on aime pas entrer dans le moule. Que des sales affaires, que ça parle de lourd. Je fais le tri des salopes qui m'entourent. Je plais à ma go, qui j'ta au down. Prends soin du père, j'mets bien la down. TTZ, tu sais qu'on est trop. Hier, galère dans le métro. Maintenant, laisse-moi faire ma vie. Devenir une légende comme Eto. TTZ, tu sais qu'on est trop. Hier, galère dans le métro. Maintenant, laisse-moi faire ma vie. Devenir une légende comme Hasni. Je veux mourir debout comme Kadhafi. Je veux l'oseille, le paradis. La gueule d'ange, dis-moi ce qui dérange. On a fait du bien, mais faut bien qu'on mange. Même si c'est dangereux. J'suis dans ma loge, elle me fait des éloges. Te chie plein les poches. Rolex Day Date, lunettes en or. J'ai gardé en moi le froid du nord. Que des contacts, que des hommes forts. Grâce à Dieu, on esquivera les sorts. Sous marijuana, j'suis dans le business comme Ortega. Tu parles de qui, tu parles de quoi. J'suis plus là, là, là, là. Tout seul dans l'allée. Belle ex, j'peux faire chanter la cala. Là, c'est mon année. Miskin, lui, c'est la fin de sa mala. TZ, tu sais qu'on est trop. Hier, galère dans le métro. Maintenant, laisse-moi faire ma vie. Devenir une légende comme Eto. TZ, tu sais qu'on est trop.